métro, des intrus sur l'intru, y'en a trop, on a le truc, un pas de trip, un beat et une batterie, nique la patrie, fuck les patrons, si t'écoutes tu pactises, on a des bords des MC factices, on est là de facto, la SIC va pas régler les factures, je crée la fracture, ça rend pas les remballes, un tas de réfractaires, des feuilles pleines de ratures, la chance nous a mis que des râteaux, je me suis mis à le rapper très tôt, à traiter tout ce qui me passe par la tête, laisse les balles très flambées sur leur test, nous on a poussé dans l'amorosité d'un chase, ou même les hypocrites de check, auto ouvre les yeux, c'est bon le rap c'est bien mais bon, les biftons c'est mieux, tu crois que je vais copiner, copuler dans le milieu, je continue à gratter des textes à mer et sur la vie de ma mère, je m'arrache moins si j'arrive à arracher un million, regardez ils sont 10 milliards restés sur le carreau, à courir après la célébrité comme un âne après une carotte, ouais c'est nous. Je rappe depuis que je dérape, la concurrence est dead, c'est de la qualité qu'on livre, hein, on loue. Chaque fois qu'on craint que nos vies coulent, les gros des loups, on chasse les lobes et pas les loups, ouais, c'est nous. Depuis que je rappe depuis que je dérape, la concurrence est dead, c'est de la qualité qu'on livre, hein, on loue. Chaque fois qu'on craint que nos vies coulent, les gros des loups, on chasse les lobes et pas les loups. Pour les mettre à la demande, j'adapte l'offre à la demande. Depuis que je déboîte les beats comme si c'était le boule à chaque tirage. Chez moi j'entends encore les chiens qui râlent. Alors on affronte la tempête, des tas de jaloux qui veulent te la mettre. Le chômage sans aztèque et les quartiers pleins d'inspects. J'ai kické tout ça dans un gros micro. Dans le rap faut dire aussi qu'un tas de gros mythos. Ceux qui parlent d'armes et de barreaux alors qu'ils braillent après quelques heures dans un comico. Quand je parle ça pue le hip hop comme est-ce que JPMG. Ici surtout on pisse, surtout pas pisse comme les IPMG. Des textes tachés, lâchés à la chaîne. Toujours pas sur Sky et pas riche. Moi j'ai gravé Wello dans la roche. Ouais c'est nous. Depuis je rappe, depuis que je dérape, la concurrence est dead, c'est de la qualité qu'on livre. Ouais on loue. Chaque fois qu'on craint que nos vies coulent, les gros des loups, on chasse les lobes et pas les loups. Ouais c'est nous. Depuis je rappe, depuis que je dérape, la concurrence est dead, c'est de la qualité qu'on livre. Ouais on loue. Chaque fois qu'on craint que nos vies coulent, les gros des loups, on chasse les lobes et pas les loups. C'est un peu le poker. Parfois il suffit de quelques secondes pour tout perdre. De la moindre étincelle pour que tout pète. Car chez Bois Blanc c'est là que tout part. Je braquerai même Archisson pour que tout le monde en parle. À l'heure où leur star en carton se développe plus vite qu'une épidémie. Y'a même des rappeurs qui se bousculent pour faire la Star Academy. On a un tas d'ennemis, on te l'avait dit. Je marche avec les avertis. À pousser dans la merde, nique le malheur. Moi je casse un verre et je place un verre. Des verres balèzes et la masse balise. Je suis mal barré à faire un disque et vivre à la dèche. Quand ceux qui réussissent sont souvent ceux qui donnent leur dèche. Je vais pas non plus dire dans chacune de mes phrases. Wesh. Ouais c'est nous. Depuis que je rappe, depuis que je dérape, la concurrence est dead, c'est de la